Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Ok, viens dans nos rues, viens voir comment ça se passe. Viens, viens, viens nous protéger un des violents coups de flash. C'est comme un Dakar, on met tout le monde d'accord. Délé XMC qui t'envoie dans le décor. Au microphone, y'a rien que c'est violent. C'est 9-4-9-5 qui prend le volant. On arrive speed sur le beat, tu rosses comme un beat. C'est le dernier cri, tu sois écrit, ça tape comme un kick. T'as ressenti la douleur devant tous honnêtes et derrière à tous voleurs. Laisse-moi imprégner ton mental d'une douce douleur. C'est mon paracabra, pour ça fait connaître. Dans mon 9-4, c'est répété pour les gros braquages. T'es comme mort à la frange, j'ai pris la rage dans mes bagages. J'étais en plaque, papa, mon parac. Si tu roules pas avec nous, même tu sais. Ah bon, et si c'est violent, mais dis-toi de nos départements. Mon parac, papa, c'est derrière au département. Ici c'est violent. Sur tous les instruments, je pense que pour mon régiment, en tant que militant, mon parcours est en sanglant des violences. 25 piges que je suis en France, toujours aussi insolent. Brigand qui me craque pour les craquants. À bord de chaque arnaque, 95 sanglants. Cherche pas, tu repartiras les pieds devant. Mille hostiles à chaque moment, ici c'est violent. Un bout en l'air pour chaque mythe de France. Chaque jus, chaque souré, allons porter ses butelés. Mon rêve c'est de créer l'armée de Pajot. Et mon paractileur qu'ici c'est violent. Car à tous les habitants de tout département, 95 RG entre dans les rangs. On va défoncer toutes les portes pour mon crew. Je te jure j'irai jusqu'au bout. Je déjouerai tous les coups. Je suis trop borné parce que j'ai trop ramé, trop ramé. Ici c'est violent, méfie-toi de nos départements. Mon parapapa, c'est derrière au département. Ici c'est violent, paie pas plus haut ton cul, arrête des militants. Et on porte dans les rues. Ici c'est violent, méfie-toi de nos départements. Mon parapapa, c'est derrière au département. Ici c'est violent, paie pas plus haut ton cul, arrête des militants. Et on porte dans les rues. Une partie de mon inspi pro la street. Quand il s'agit de parler flic, mon pic a trop la trique. Oh là, passez vite, je lève les bras juste pour la hola. Justice de merde, on s'appuie le dollar. Je suis un enfant des rues, un enfant des ruines. Pour le zar de Paris, là où nos tristesses font des rimes. Paris, qui me voit tel un plainteur lyrical ou un immigré pointeur à la NPE sans voir putain. Je suis né en France, moi j'ai tout. Ce qui manque c'est le putain dans ma putain de ruelle. Moi j'ai tout. Comme beaucoup de frères, la vue pleine de poussière. Parce qu'à l'horizon s'annonce prison, garde à vue. Vu de loin, la violence grave et voir les mots anciens, c'est ce que voulait éviter nos anciens. Le pouvoir a eu le feu au terche. La jeunesse a fait la voix. Ici c'est violent, car ici c'est la dèche. Ici c'est violent, méfie-toi de nos départements. Pour pas à pas passer les rôles au département. Ici c'est violent, paie pas plus ton cul, arrête des militants. Et on porte tête dans les rues. Ici c'est violent, méfie-toi de nos départements. Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Pour des millions.